m'avais pas tout dit, tu m'avais pas appris comment tu es. Les gens, j'aurais jamais pensé que le ciel était si beau, quand on sait qu'on le voit pour la dernière fois. Au milieu de la folie, au milieu du chaos, maman, maman, tu vois, je savais pas tout ça, je peux déjà plus bouger mes jambes. Je sens l'air, j'ai un trou dans moi, je sais pas pourquoi, mais je tremble. Heureusement que tu vois pas ça, pas ça. Tu sais, maman, je suis enfin un homme. Hier au matin, j'ai eu un de ces salauds qui s'enfuyait en courant comme un lâche. J'ai pas réfléchi, non, je lui ai tiré dans le dos. Si je te dis ça, maman, c'est pour que tu saches que tu peux être fier que je suis pas mort. Idiot, pourquoi tu m'as pas expliqué qu'on peut crever comme un crétin, que c'est drôle de regarder la couleur de ses intestins. Maman, le soleil me fait mal aux yeux, mais tu sais, au moins j'aurai une médaille. Je me suis jamais plaint, mais j'ai eu peur un peu. Je te dis au revoir, maintenant faut que je m'en aille. Quoi qu'il arrive, maman, tu n'as rien à regretter. On les aura, ces portes, tu sais, on va gagner. Je sens le noir qui me dévore, tout est si calme, c'est étonnant. On dirait que le monde s'endort, ça y est, ça vient. Adieu maman. Adieu maman. Adieu.